journée de la nuit. Tu me faisais le bras, j'écoutais ton avis. On m'a dit baisse pas les bras, sois patient habile. Pour toi tu m'as fait mal, mais tu grandis, tu oublies. Je t'ai demandé pourquoi, tu m'as dit c'est la vie. Chérie, je n'ai pas le time pour les blabla, tu sais. Je t'envoie au parleur, voir mon pote histoire de le faire kiffer. Je suis dégoûté, en ce moment j'ai la tête ailleurs. Et je repense au pote, j'ai des barres sur mon joint d'ailleurs. Ah ouais, je picole, qu'est-ce qu'elle est conne. Ok, je déconne, ok, je décolle, qu'est-ce qu'elle est bonne. Mais c'est pas ça le bonheur, c'est pas ça le bonheur. Je fume le femme avec la famille, je partage mon drone. On l'accès grave, on voit des grammes, je vois des grammes dans la cave. On l'accès grave, on est des grammes, elle a compta comme je peux t'être cave. On l'a que je suis pas. Ok mon ami, on l'a que c'est grave. J'ai pas dormi de la nuit.